après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse tourtière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin du 11 septembre en parlant évidemment du décès de Jacques Amiot. Jacques Amiot qui est décédé vendredi à l'âge de 93 ans. Dans un premier temps, on a parlé avec le journaliste, l'ancien journaliste du quotidien Pierre Bourdon. Et Pierre Bourdon mentionne évidemment que Jacques Amiot était un athlète très, très, très polyvalent. Jacques Amiot s'est lancé. D'ailleurs, Jacques Amiot, c'est un athlète très polyvalent. Hein? Ouais. Il faisait du vélo, il faisait du ski de fond. C'était tout un athlète. Et puis même dans les dernières années, il a participé à des compétitions de nage qu'on appelle pour maîtres, les maîtres nageurs. Et puis même détenu des records mondiaux là, dans ces catégories d'âge. Fait que jusqu'à la fin, il a été très actif et très en forme. Moi, j'ai eu la chance de le connaître en 1963. OK. Ça veut dire que ça fait 55 ans, Danny, que je le connaissais. Hey. Et puis, en 63, c'est l'année où j'ai traversé le lac Saint-Jean. Je me trouvais au Saguenay pour la descente du Saguenay à la nage en 1963. Et puis, la veille... Pierre Bourdon se rappelle, évidemment, qu'en en 1955, traverser le lac Saint-Jean, c'était très, très avant-gardiste. À l'époque, c'est sûr que c'était très avant-gardiste parce que les entraînements en partant n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Non, c'est sûr. Dans le temps, on travaillait sur le temps, c'est-à-dire qu'on nageait des heures et des heures dans la piscine. Puis quand on faisait ça, ben on disait qu'on va faire de la nage longue distance. Parce qu'aujourd'hui, les entraînements ont beaucoup changé. Et puis c'est pour ça que les temps dans les premières années, si vous remarquez, Danny, évidemment, sont moins rapides. Ouais. C'est sûr que c'est à cause de l'entraînement. L'entraînement a beaucoup changé. Et par... L'ancien nageur et analyste Planète 99.5, Marc-André Leclerc, Jacques Amiot représentait pratiquement tout. J'ai un peu resté figé devant mon écran d'ordinateur pendant quelques instants parce que, comme jeune homme de Robertval, ayant grandi avec la traversée, je côtoyais M. Amiot à chaque année. Je pense que cette année, c'était une des rares fois où M. Amiot n'était pas présent. On le savait malade, il passait quelques temps à l'hôpital. Et je me rappelle très jeune d'avoir rencontré M. Amiot, d'avoir partagé avec lui, d'avoir partagé des brasses avec lui, d'avoir nagé avec lui dans les eaux du lac Saint-Jean. Et je me rappelle très bien, Danny, il y a quelques années, où je poursuivais mes études universitaires à Québec, où je m'étais rendu chez un de mes amis qui restait pas loin de chez nous. Et par hasard, là, le voisin de mon ami était Jacques Amiot. Ah, OK. Et j'étais arrêté. M. Amiot là, travaillait sur son terrain. J'étais arrêté chez lui. Et on avait pris là, une heure ou deux ensemble, vraiment, tu sais, à jaser. Et cette première traversée en 1955, la traversée de la Manche par la suite. On était descendu dans son sous-sol. Il m'avait montré tous ses anciens trophées. Qui détaille là, des années 50, des années 60. C'est une page d'histoire hein, qui peut se tourner pour nous. Et je pense que c'est tout le sport et tout ce sport-là qui est la natation olympique qui est bien connu au Saint-Jean qui est en deuil aujourd'hui. Et je pense que tout le monde, on se rappelle tout le temps de ces grands moments et d'avoir passé, tout que ce soit des gens à traverser des anciens nageurs. Je pense qu'il était toujours... très reconnaissant de l'amour que les gens du Seigneur Saint-Jean lui ont donné au cours de ces dernières années. Effectivement, donc c'était tout qu'un... Et Marc-André Leclerc est pratiquement convaincu que Jean Camiot serait encore un très bon nageur, même en 2018. Et je pense que M. Amiot avait un bon bagage naturel, hein, t'sais, avait des bonnes qualités naturelles pour lui permettre de faire ça en 1955 avec très, très peu d'entraînement, tu sais. Mais c'est aussi le sport qui a beaucoup évolué. À l'époque, c'est vraiment plus un sport, la natation de l'olympique, c'est un sport beaucoup plus d'endurance. Mmh. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rendu quasiment un sport de vitesse sur 32 kilomètres. Fait que c'est un sport qui a beaucoup évolué, mais je suis certain que M. Amiot, avec les techniques d'entraînement d'aujourd'hui, les techniques d'alimentation, et il ferait très, très belle figure dans les eaux du lac Saint-Jean, ça c'est sûr et certain, parce qu'il avait, pour accomplir ce qu'il a accompli en 1955, Il avait sans aucun doute des atouts naturels, une force mentale et physique qui lui permettraient d'être très compétitif. Ligue de Ballante de Roberval, la saison est terminée depuis hier, donc on va vous donner maintenant les gagnants. C'est d'abord le Garmac de Faisodiac 9-7 et Garmac de Faisodiac également 11-10, donc ce qui fait en sorte que Garmac sont les grands champions de cette année du côté de la Ligue de Balmol de Roberval. Du côté de Dolbeau maintenant, il y avait encore des matchs hier. Sport Expert a défait Météor 8-6 et 17-9. C'est les deux derniers résultats de la saison, ce qui fait en fait que Sport Expert est champion de la Ligue. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Marc Fortier et Stéphane Lebeau. On commente évidemment la transaction qui fait passer Max Pacioretty au Golden Knights de Las Vegas. Également, Pierre Bourdon et Marc-André Leclerc commentent le décès de la légende vivante Jacques Amiot. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.